Chapitre 9e. En sortant de chez le capitaine James Allison, nous rentrâmes chez Paulin Broquet. « J'ai donné, me dit mon ami, rendez-vous à Georges Burel, à cet excellent monsieur Barentin, dans mon studio. Ils doivent y être déjà à m'attendre. »« Je vous admire, mon cher ami, lui dis-je. Nous sommes partis pour une affaire d'étranglement par un fil téléphonique avec le drame du New World Herald, et nous voici en route vers une affaire de millions avec le requin des dollars, et enfin vers un drame d'amour qui me paraît absolument inextricable. Oui, répondit en riant Paulin Broquet en allumant une nouvelle cigarette. Mais rappelez-vous, mon cher, que dans la vie, on part vers un but bien défini et que souvent on bifurque et qu'on va dans toute une autre direction. C'est même parfois très heureux quand on arrive quelque part. Mais voyez ici comme tout s'enchaîne de façon extraordinaire pour qui ne réfléchit pas et de façon tout à fait logique pour qui regarde bien les faits et ne se laisse pas déconcerter par les apparences disparates, opposés ou sans liaison. Voyez avec moi. Récapitulons. On nous appelle parce qu'on a trouvé Devon Bridgeport à terre, un fil téléphonique au cou. L'enquête officielle croit à une suite de bons dîners et classe naturellement l'affaire. Oui, mais pas moi. Je me suis bien gardé de la classer, car j'ai trouvé à terre un petit bout de papier vieux de 35 ans. Très juste. En découvrant des traces de boisson sur le plastron de la chemise de Bridge, qui ne boit généralement pas, et sur le tapis, qui boit encore moins, j'ai vu que c'était à terre que ce brave Bridge avait bu. Généralement, on ne se couche pas sur le tapis d'un cabinet de rédaction de journal pour boire. Ce n'est pas tout au moins fréquent. Le garçon de bureau n'a rien apporté à boire à Devon Bridgeport. Donc, c'est que quelqu'un a forcé cet homme sobre à absorber un liquide quelconque. Pourquoi ? C'était la première question que je devais me poser. Ce petit bout de journal déchiré, vieux de 35 ans, j'insiste parce que c'était tout à fait précieux, me donna immédiatement une indication. Parfait. La visite du lecteur affairé de la collection me dit que j'étais sur la voie. La découverte de la clé dans la mauvaise poche me prouvait que je ne me trompais pas. J'ai dû déduire de tous ces points, relevés les uns après les autres, que c'était un document vieux d'il y a 35 ans qu'on tenait absolument à connaître. On avait cherché par tous les moyens à relever cet événement. Quel était-il ? Il devait être très important. J'avais, moi, à le découvrir pour avoir la clé de ce mystère. C'est évident. Harry J. Brewster était venu voir Devon Bridgeport. Ce n'était pas lui qui voulait consulter le document dans la collection. Office du principal actionnaire, Bridgeport aurait donné la clé de la bibliothèque sans la moindre hésitation. De plus, le coup de téléphone du vieux banquier, du requin des dollars, comme dit le capitaine, faisant réprimander fortement Bridgeport par le directeur, M. Mounds, pour son charmant article sur Miss Stella Starring, me donna la première indication. Je me suis demandé pourquoi cette haine du millionnaire était-ce à cause de l'amour de son fils pour la brillante étoile, peut-être. Alors j'ai consulté mes fiches. Et je sais qu'elles sont admirablement fournies et tenues à jour. C'est exact. Mais sur mes fiches, j'ai vu que Hughes J. Brewster avait eu un terrible procès, il y avait 35 ans. Je venais par conséquent de trouver la filière. Mon ami Cochrane Harper, de New York, m'avait bien dit que l'adversaire de Hughes J. Brewster, dans ce procès, avait eu deux enfants, un fils et une fille. Et vous avez naturellement supposé que Stella était la fille de ce malheureux Warren Hood, mort en prison. Mes notes, l'opinion de la presse de cette époque était, je le vis clairement malgré cette condamnation, nettement favorable à Warren Hood. Ensuite, le coup de revolver de Hughes J. Brewster sur le capitaine m'indiqua que c'était peut-être le fils du malheureux condamné. Ça s'enchaîne très bien. Le silence absolu que le requin des dollars imposa à tout son personnel sur cette affaire m'en fournit la preuve. Il ne me restait plus qu'à trouver l'officier américain. Vous savez que le capitaine Warren Hood n'était pas connu au service américain. Je tombais dans le vide. La rencontre de l'officier américain avec Stella me remit sur le chemin. Mais l'achat des fleurs pouvait vous induire en erreur, vous faire croire à une galanterie d'amoureux. Non, me répondit Paulin Broquet. Il y avait trop de fleurs, et en plus, une couronne mortuaire. Ce n'est pas ce qu'on offre généralement à une étoile dont on est amoureux. Très juste. Donc, ces deux jeunes gens allaient dans un cimetière ensemble, ce qui n'est pas non plus une promenade d'amoureux. À quel cimetière allaient-ils ? La boue que vous m'avez vu relever sur le tapis de l'appartement de Miss Stella m'indiqua le cimetière de Clamart, où sont enterrés les malheureux morts en prison comme Warren Hood. Tout à fait logique. Pour connaître enfin la nouvelle adresse de Stella, nous avons été surveiller l'étoile au cimetière, et nous l'avons suivie jusque chez elle. Et voilà. Vous avez vu comment il nous a été possible de connaître l'appartement et le nom du capitaine. C'est ici que tout s'est fait, en apparence éloignés les uns des autres, sans aucun rapport entre eux, se lient de la façon la plus logique, s'enchaînent absolument. C'est très simple, n'est-ce pas? Oui, quand on l'explique après. Dans le studio de Paulin Broquet se trouvaient en effet, comme il s'y attendait, le juge d'instruction, M. Barentin, et l'avocat, Maître Georges Burel. « Ça va !» s'écria Paulin Broquet dès la porte. « Ça va très bien. Nous touchons au but. » Et se tournant vers le juge, « Ah, M. Barentin, vous aviez tout à fait raison. Le drame du New Order Hall est une simple affaire, sinon de cocktail, du moins de gros à la conite et à l'éther. »« Je le disais bien, mon cher, » affirma le magistrat. « Oui, seulement depuis, il y a eu quelques petites complications de vol de feuillets du journal, de soustraction de millions, de condamnation d'un innocent, de mort en prison, de coups de poignard japonais, de coups de revolver, et de grands amours brisés. « Oh oh !» dit Georges Burel. « Une petite affaire très simple, à votre avis, qui me paraît extrêmement chargée. »« Non, tout cela c'est du supplément, de l'accessoire. Le fond même de l'affaire est bien ce que disait M. Barentin, un grog. » « Oui, mais quel grog !» M. Barentin, excellent et digne homme, au fond, ne comprenait plus très bien ce que disait Paulin Broquet. Et celui-ci ne lui donna pas d'autre explication. D'ailleurs, il fut appelé précisément au téléphone par une sonnerie enragée. « Raymond, ah, c'est toi. Bien. Avec Harry. Tu as du mal à le tenir. Il vient de se réveiller. Il veut tout casser. C'est parfait. Alors accompagne-le à Concordia Palace, avenue Kléber. Ça le calmera et attends-la à mes ordres. » Puis se tournant vers M. Barentin, Maître Georges Burel et moi, il nous dit « Maintenant, messieurs, allons jouer le dernier acte de ce drame. C'est le plus difficile et aussi le plus beau. » Alors il expliqua de façon très détaillée au juge et à l'avocat ce qu'il attendait d'eux. Quand tout fut bien entendu, bien arrêté, bien compris, nous descendîmes du studio pour monter en voiture. Paulin Broquet, alors, donna au chauffeur l'adresse du palais habité par Hughes J. Brewster.